Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanreux. Cycle 4, le Deuxième Empire. Le fascicule allemand numéro 170, Dans la jungle des étoiles, écrit par Kurt Brand en 1964, ne fut pas traduit en français. Perry Rodden passe, pour une fois, une soirée tranquille chez lui avec ses amis, quand il est informé que les anélisseurs de sépulcre désirent un transport pour amener sur une planète trois des leurs, prêts à pondre. En raison de l'accord passé avec eux, Rodden s'exécute immédiatement et donne ses ordres. Le croiseur Costana se dirige vers sépulcre, tandis que plusieurs explorateurs se lancent à la recherche de mondes adéquats. Arrivé sur Sépulcre, le Costana prend à son bord les trois anélisseurs. Afin que les futurs nouveau-nés anélisseurs ne mettent pas d'hyperimpulsion et préviennent les bleus, on décide de coupler des hypnobandes, programmés par les anélisseurs eux-mêmes, à des transformateurs de symboles. L'explorateur 5207 découvre plusieurs planètes dans un amas, baptisé Amas de Yes, et transmet les coordonnées au Costana. Pendant le voyage, le sergent Erskine fait des essais avec les hypnobandes qui semblent ne pas marcher. Des études parallèles ont lieu sur Terre. Les bandes finissent par se révéler bonnes, mais il reste encore à les faire fonctionner avec les transformateurs de symboles. Le Costana dépose sans problème deux anélisseurs dans deux systèmes baptisés Inculab 1 et Inculab 2. Malgré une navigation rendue difficile par les conditions gravitationnelles et hyper-énergétiques régnant dans l'amas de Yes, le vaisseau atteint la troisième planète dans le système d'Inculab 3. Tant sur le Costana que sur Terre, les expériences sur les hypnobandes ont des conséquences dramatiques. Des impulsions hypnotiques sont émises. Sur Terre, le personnel d'un laboratoire de recherche ressent la pulsion de quitter ses locaux, mais ils peuvent être soignés. Il n'en est malheureusement pas de même pour le Costana, complètement délaissé par l'équipage, sur la quatrième planète du système, alors que l'anélisseur vient d'être déposé. Le capitaine Clark Yack est le premier homme à retrouver la raison, mais horrifié, il voit le Costana décoller brusquement et exploser en plein vol. Les survivants sont alors implacablement attaqués par des inconnus, pourvus d'armes primitives et qui n'hésitent pas à employer des grenades atomiques. Tout l'équipage du Costana est tué, mais le capitaine Yack a eu le temps d'envoyer un SOS avec des minicoms branchés en série. Le fascicule allemand numéro 171, Le combat des quatre puissances, écrit par Clark Dalton en 1964, ne fut pas traduit en français. Suivant l'appel de détresse du Costana, l'explorateur 5207 se dirige vers le système d'Inculab 3. Par précaution, il prévient l'explorateur 318 du colonel Griffin Tuckman. Il passe d'abord par la troisième planète et découvre qu'elle est habitée et maîtrise même la navigation spatiale. Le colonel Betoyes ressent une profonde culpabilité d'avoir laissé passer une information si vitale. Le navire se pose ensuite sur la quatrième planète, baptisée Trio. Les habitants de la troisième planète, baptisés les Trios, disposent de bases sur la quatrième planète. Ce sont eux qui ont attaqué et détruit les astronautes du Costana. Un groupe, commandé par le commandant Barrel Kut, attaque l'explorateur 5207, mais il est exterminé. Seul Barrel Kut parvient à fuir. Un autre groupe s'attaque au monstre déposé par le navire inconnu, l'Anélissaire. Celui-ci ne fait pas de quartier et seuls les deux responsables échappent. Tout comme Barrel Kut, ils sont capturés par les Terriens. Des secours arrivent de la troisième planète, mais ils sont détruits, sans beaucoup d'efforts, par les Terriens. Durant les combats entre les troupes au sol, l'Anélissaire est fortement contrarié. Il ne voit pas la différence entre Trio et Terrien et se considère trahi. Pour se venger, il se laisse ramener à bord de l'explorateur 5207 qu'il dévaste entièrement. Alors que les rares survivants terriens prennent la fuite, il écrase le colonel Betoyes sous sa masse. Les survivants prennent contact avec les Trios et parviennent à s'entendre avec eux. Un message de détresse est envoyé à l'explorateur 318. Un navire des Bleus est en route dans le même secteur spatial à la recherche de planètes pour déposer des anélissaires. Mais, contrairement aux Terriens, il se soucie peu de savoir si ces planètes sont habitées. Gogol, commandant du navire, montre une faiblesse inattendue envers les habitants de la planète Pergal qui affiche une tranquille philosophie face à la mort. Il décide d'épargner la planète malgré l'hostilité du scientifique du bord, agent du gouvernement. Ils reçoivent alors un appel émanant d'un anélissaire. Ils arrivent sur la planète Trio, embarquent l'anélissaire qu'ils déposent de l'autre côté de la planète et larguent une bombe à réaction qui va tuer toute vie sur un quart de la planète. Tous les Trios et Terriens sont tués. Le navire bleu repart immédiatement prévenir son gouvernement que les Terriens ont conclu un pacte avec les Anélissaires. Quand l'explorateur 318 arrive, il ne trouve aucun survivant. Le fascicule allemand numéro 172, Le secret de l'île sacrée, écrit par Kurt Mahr en 1964, ne fut pas traduit en français. L'explorateur 318 du colonel Griffin Tuckman arrive sur la planète Trio, suivant l'appel de détresse des survivants de l'explorateur 5207. Mais il ne trouve qu'une planète en proie à un incendie atomique. Après avoir recherché, en vain, des traces, il décide de quitter le système. En route, le navire est attaqué par une flotte des Bleus. Il est très gravement touché et presque tout l'équipage est tué. Seul le colonel Tuckman, le commandant, son ami Terre Phillips et Frankie Pell survivent. Il parvient à contrôler suffisamment l'épave pour s'opposer à la surface de la troisième planète du système, Trap, d'où sont originaires les astronautes à l'origine de la destruction du Costana et de l'explorateur 5207. Les trois survivants sont arrêtés par les forces de police de la planète, laquelle est divisée en deux blocs. La Fédération Boréale, centrée sur Felgan, et l'Empire Austral, fondée sur Astroth. C'est près de cette dernière ville que sont incarcérés les trois Terriens, pris pour des espions du Nord. À la langue de leurs ravisseurs, conduits par le policier Rimakim, les astronautes comprennent, que ce sont des descendants d'Aconides. Il devrait donc exister une station de transmetteurs quelque part, leur unique chance de revenir chez eux. Durant leur captivité, ils sont témoins de ce qui ressemble à un tremblement de terre. Une jeune femme, Gianna Alte, les aide à s'échapper par un tunnel. Elle travaille pour la Fédération boréale. Elle emporte les terriens chez elle et les informe que le conflit entre Felgan et Arthrot est dû à une rivalité sur le contrôle de l'île de Jorg, située entre les deux continents, île protégée par une barrière invisible. Les terriens sont persuadés que c'est là que se trouve la station de transmetteurs. À leur grande surprise, Rimakim et ses hommes font leur soudaine apparition. Un grand séisme s'abat sur Arthrot et les terriens en profitent pour fuir. Gianna Alte leur sert de guide et, par précaution, ils emportent Rimakim comme otage. Ils gagnent la côte septentrionale où ils s'emparent d'un bateau pour rejoindre l'île de Jorg. Pendant le trajet, Tuckman exprime son avis. Les séismes sont dus aux bleus qui utilisent un champ vibratoire pour dépeupler la planète. Ils sont attaqués par des avions, mais Terre Phillips parvient à trouver le mécanisme désactivant le champ protecteur de l'île. Ils le franchissent alors que les escadres sont impitoyablement détruites par des navires. Les trois terriens et leurs deux compagnons pénètrent dans la station, mais à leur grande déception, les liaisons par transmetteur ne sont plus opérationnelles. Ils décident toutefois d'envoyer des charges nucléaires au hasard dans l'espace pour attirer l'attention d'une nef terrienne. Celles-ci arrivent et font fuir la flotte des Bleus. Les survivants de l'Explorateur 318 sont récupérés. Le fascicule allemand numéro 173, Opération Nautilus, écrit par Kohachir en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 75, Les Sauveteurs Sigan, paru chez Fleuve Noir en 1988. Depuis trois mois, les cinq terriens, libérés des mains des Gathasiens, attendent au fond de l'océan. En octobre 2327, Perry Rodden organise leur sauvetage. Un croiseur robot est envoyé. Il est abattu par les Bleus. Dans ses débris se trouve un sous-marin nucléaire, le Nautilus, avec un équipage de scientifiques. Leur objectif est de découvrir par quels moyens les Bleus transforment le Molkex en substance modelable à souhait. Par chance, l'Imi d'Angers a, peu de temps auparavant, localisé le lieu où est traité le Molkex dans le bloc de la 5e sécurité. Son traitement consiste en l'aspersion d'un liquide bleu intense. Les agents de l'OMU, Limi Danger et Melbar Kazom, partent et parviennent à ramener 20 litres de ce mystérieux liquide qui se révèle être de l'eau oxygénée à 85%. Il émet toutefois des impulsions parapsychiques. Les terriens déterminent alors qu'une autre substance est nécessaire pour jouer un effet catalyseur et elle est produite par les nouveaux-nés bleus, ce qui explique l'intérêt qu'ils leur portent. Les deux agents s'introduisent cette fois dans une clinique pour enfants où ils voient des robots traiter des bébés sans ménagement. Une substance jaune miel leur est prélevée. Elle est baptisée Hormone B. Ils s'emparent de plusieurs bidons et rejoignent leur base. L'état d'alerte est soudain proclamé chez les Bleus. Les terriens font des essais concluants avec leur nouvelle arme à base d'eau oxygénée et d'Hormone B. Ils constatent qu'une fois traité, le Molkex se concentre en galette et disparaît dans l'espace. Ce phénomène est baptisé « effet de drive ». Les terriens sont sauvés de justesse en utilisant le transmetteur qui les ramène sur la station SSO1. Le problème consiste maintenant à synthétiser l'hormone B. Le fascicule allemand numéro 174, Les briseurs de blindage, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 76, La course contre la montre, paru chez Fleuve Noir en 1988. Gregory Burnett, un chercheur qui travaille dans un laboratoire étudiant l'hormone B, est renvoyé de son travail. Mais, alors qu'il se trouve dans un bar, il est abordé par un individu qui le force à le suivre. Burnett est assommé et, à son réveil, il découvre qu'il se trouve à bord du cuirassé Azubaja, en compagnie de son ancien chef et de ses collègues. La mission de l'Azubaja est de tester les bombes anti-Molkex confectionnées à partir de l'hormone B récupérée sur Gattas. Le vaisseau quitte la Terre le 25 novembre 2327 à destination de la planète Tota, où, d'après les années d'essai de sépulcre, l'un des leurs doit se trouver. Un commando est déposé à la surface, mais, à la surprise de tous, il n'y a plus de Molkex. L'Eric Monnelly, alerté, vient pour déposer Petit Pierre à la surface afin de les aider. Cela ne plaît pas à l'un des scientifiques, Martin Lefort, qui voue une haine farouche envers ses créatures depuis qu'il est handicapé à cause des écrits de serre. Petit Pierre localise un cocon, d'où naît un nouvel anélisère, baptisé Tommy. Durant la nuit, Lefort s'éclipse en emportant quelques bombes. Burnett le suit et découvre que l'homme veut détruire les anélisères, bien qu'ils soient dans le même camp. Ils se battent, mais Burnett a le dessous. C'est alors que les Bleus font leur apparition. Les deux anélisères les attirent, tandis que les Terriens leur tirent dessus. Burnett parvient à tromper Lefort et, lors du combat, ce dernier est tué. Les bombes se révèlent efficaces contre le blindage de Molkex de la nef des Bleus. Celle-ci est détruite, tandis que le Molkex disparaît dans l'espace sous l'effet de Drive. Des combats font rage entre Bleus et Terriens à la surface, mais finalement, les humains l'emportent et 14 Bleus sont capturés. L'Eric Monnelly apparaît alors à la tête d'une flotte. Le fascicule allemand numéro 175, Course contre la montre, écrit par Kurt Brand en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 76, La course contre la montre, paru chez Fleuve Noir en 1988. Plusieurs scientifiques, dont Till Leyden, font des recherches sur Arallon pour parvenir à synthétiser l'hormone B, mais jusque-là, sans succès. Pour qu'ils poursuivent leurs essais, ils ont besoin de Molkex et d'un hypertron, un accélérateur de particules. La frégate Babota se dirige vers l'amas de Yes pour se procurer du Molkex. Son but est la planète Inculab 1. Là, elle est attaquée par des Gatadiens. Elle émet un appel de détresse avant d'être touchée au but. L'équipage évacue le bord et se sauve à la surface de la planète. Les Gatadiens lancent une grande offensive et de nombreux combats font rage. Atlan utilise des roquettes anti-Molkex. Il touche un navire, mais l'effet est plus important que prévu. Le néo-Molkex produit entre en collision avec le blindage des autres nefs. Pendant ce temps, l'Alliance galactique se fissure, Anti et Aconide cherchant à faire alliance avec les Bleus contre les Terriens. Les survivants de la Babota sont confrontés aux écrits de serre, mais ils sont rapidement récupérés par les Rikmanali. La nef amirale est attaquée par les Bleus, puis parvient à leur échapper. Pour se procurer le Molkex nécessaire aux expériences sur Arallon, Perry Rodden lance une opération très risquée. 8 écrits de serre jeunes sont pris à bord. Le but est ensuite de les déposer sur une planète inhabitée. Alors qu'ils commencent à faire leur ravage à bord, les Rikmanali plongent dans l'espace linéaire pour échapper à des navires bleus. Le fascicule allemand numéro 176, à la dernière minute, écrit par Kurt Brand en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 77, L'effondrement d'un empire, paru chez Fleuve Noir en 1988. Fin janvier 2328, tous les peuples de la galaxie se sont alliés pour tenter de repousser les attaques des Cathasiens dans M13. Les Aconides font jeu à part et négocient secrètement de leur côté. Les navires des Bleus, recouverts de Molkex, qui les rend indestructibles, enfoncent les défenses alliées, pourtant en nette supériorité numérique. De plus, Perry Rodden passe pour mort depuis la disparition de sa nef amirale, l'Eric Manoli, et Reginald Bull a mobilisé 10 000 explorateurs pour le retrouver. Les hommes de l'Eric Manoli se sont échoués sur la planète Chiungla avec 5 chaloupes. Les écrits de serre ont commencé à dévorer la surface de la planète et à la transformer en Molkex. Sur Arallon, Tyr Laydon continue ses expériences, mais sans résultat. Il pense enfin entrevoir la solution à partir de l'étalonnage d'un équipement spécial, l'Hypertron. Celui-ci est modifié et la dernière tentative de stabilisation de l'hormone B sur Terre est un succès. Une fois l'hormone en contact avec le Molkex, celui-ci se transforme en Neo-Molkex et s'envole sous l'effet de Drive. Il faut faire vite car, dans M13, les Bleus ont lancé une offensive massive et la situation des Alliés devient désespérée. En 3 jours, les naufragés sur Jiungla ont récupéré 5000 tonnes de Molkex et ont juste le temps d'évacuer la planète avant l'arrivée des nefs bleus attirés par les hyperimpulsions du Molkex. Peu après, Rodden débarque sur Terre avec le Molkex. Les Aconides poursuivent toujours leurs négociations avec les bleus. Sur Sphinx, ils ont enlevé John Marshall et 3 agents. Rodden envoie un commando de mutants à leur recherche. Bull, qui est venu avec eux, lance un ultimatum au Grand Conseil pour obtenir la libération de ses hommes, mais, pour toute réponse, celui-ci tente de les capturer. L'intervention de l'émir et des mutants évite le pire, et les prisonniers sont finalement libérés. Les Alliés rencontrent enfin leur premier succès autour d'Arconis, assiégé par les Bleus. Une fois la bombe lancée à l'aide du canon transformateur sur le navire ennemi, le Molkex se liquéfie et disparaît sous l'effet de Drive, laissant ainsi les vaisseaux sans protection. Hélas, les bombes se mettent à exploser toutes seules, le mélange n'est pas stable assez longtemps. La victoire n'est de courte durée. Les Bleus s'approchent du système de Rigel, dernière étape avant le système solaire. C'est alors que les Sigans réussissent à mettre au point un micro-hypertron qui permettra de n'effectuer le mélange dans les bombes qu'au dernier moment. La flotte alliée, munie de nouvelles bombes, arrive in extremis dans le système d'Arconis et la victoire peut enfin se dessiner. Le fascicule allemand numéro 177, La chute du Deuxième Empire, écrit par Clark Dalton en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 77, L'effondrement d'un empire, paru chez Fleuve Noir en 1988. Une conférence se déroule sur Arconis 3. Depuis 15 jours, tous les vaisseaux gathasiens sont pourchassés et leurs Molkex détruits. De plus, certaines des colonies des Bleus se soulèvent et l'Empire des Gathasiens, est au bord de l'effondrement. Perry Rodden décide de monter une expédition pour Gatas afin de détruire tout le stock de Molkex qui s'y trouve. Plusieurs mutants embarquent sur l'iceberg. Avec une petite flotte de vaisseaux, Rodden veut s'emparer d'un navire des Bleus afin de se poser sur la planète sans éveiller les soupçons et y débarquer les conteneurs d'hormones B destinés à détruire le Molkex. Grâce au téléporteur, le commando s'empare du vaisseau du Bleu Gogol. Perry Rodden simule alors une attaque de la planète avec son escadre et endommage suffisamment le navire pour que celui-ci atterrisse à l'endroit voulu avec son chargement. Grâce au contrôle hypnotique exercé par André Lenoir sur Gogol, le mutant se fait passer pour un haut scientifique terrien, spécialiste du Molkex, tout juste capturé et qui doit d'urgence être interrogé au bloc de la 5e sécurité où se trouve le Molkex. La ruse réussit, mais au dernier moment, Gogol se réveille et s'empare des armes du mutant. Heureusement, Lemire et Rashtubai interviennent et retournent la situation. Bendrix, le Gatasien chef de la police de Molkexville, a toutefois des soupçons et, lorsqu'il arrive avec ses hommes, les mutants sont obligés de fuir avec Gogol. Les mutants se voient contraints d'enlever Bendrix et le chef du dépôt, Arprex, afin de les hypnotiser. Lemire persuade Bendrix que le navire du commando ramène un produit capable de renforcer le Molkex et qu'il faut d'urgence le mettre au dépôt pour le protéger d'une attaque des terriens. Le plan réussit avec l'aide des volontaires du ministre de l'Intérieur qui fait transporter les conteneurs qui contiennent de l'hormone B dans le dépôt. Tout semble aller pour le mieux lorsqu'un incident se produit qui oblige les terriens à se dévoiler et à sortir leurs armes pour défendre l'accès au dépôt. C'est Ivan Ivanovitch Gorachin qui leur sauve la mise en scellant la porte d'accès principale avant de tomber dans un piège d'où il tout le sort de justesse. Les mutants ont juste le temps de répartir les conteneurs dans le dépôt avant de regagner leur navire et de décoller dans l'urgence car les Gataziens ont enfin compris ce qui se passe. Sous l'effet de l'hormone B, tout le Molkex se change en Néo-Molkex. Le Néo-Molkex, une galette de 10 millions de tonnes, perce une faille gigantesque dans la planète sous l'effet de Drive. Les Gataziens ont perdu leur meilleure arme et la flotte de Rodden, qui entoure la planète, demande une reddition sans condition. Une intervention de l'émir auprès du ministre de l'Intérieur achève de convaincre les Bleus de négocier. Le fascicule allemand numéro 178, Les suicidaires d'Aconis, écrit par Cottemar en 1965, ne fut pas traduit en français. Bien que n'ayant pas été mêlés directement à la guerre contre les Bleus, les Aconides éprouvent une peur irraisonnée envers le Molkex. Ils mettent au point un plan risqué pour s'en débarrasser à jamais en détruisant la planète des Anélicères, Sépulcre. L'amiral Temul Pain est chargé de l'exécution. Il recrute trois condamnés à mort, le scientifique Akhter Shahan et les trafiquants Kerim Shmal et Adan. Ceux-ci sont envoyés, à bord d'une chaloupe, vers la planète, tandis que la flotte de Pain effectue transition après transition pour détourner l'attention des terriens. Les trois condamnés essaient d'échapper au contrôle de Temul Pain, un homme arrogant, mais rien n'y fait, ils sont contraints de mener leur mission à bien. Plusieurs bombes sont déposées à la surface, mais une fois qu'elles commencent à exploser, les Aconides sont forcés de détruire leur antigrave pour échapper à la vindicte de Temul. Un vaisseau terrien, l'Arcolus, venu déposer des Anélicères sur Sépulcre, est détruit par une des bombes. Les trois survivants fuient devant l'incendie nucléaire qui ravage la planète. Ils finissent par rencontrer les Aconides et, ensemble, remettent la chaloupe en état de marche. profitant de l'énergie dégagée par le brasier atomique, ils effectuent une plongée et rallient la flotte de Temulpaen. Celle-ci est assaillie par une flotte terrienne, mais la chaloupe parvient à rallier la nef amirale. Les terriens réussissent à s'en emparer. L'équipage est débarqué tandis que les trois Aconides et les trois terriens attendent que la situation se calme pour entrer chez eux et remettre Temulpaen à la justice Aconide. Et, pendant ce temps, Sepulcre disparaît définitivement. Le fascicule allemand numéro 179, Naufrage sur Bouli 2, écrit par Kohashir en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 78, L'offensive de crétinisation, paru chez Fleuve Noir en 1988. Atlan et Melbar Kazom ont un rendez-vous discret avec Perry Rodden, à bord du Majori, dans un secteur isolé de la Voie lactée. Atlan informe le Stellark qu'une révolte se trame contre l'Empire uni. Les Aconides ont quitté l'Alliance galactique et toute la cohésion se désagrège. Les deux hommes sont d'accord pour décider qu'il faut consolider l'Empire solaire en son cœur. Un appel de détresse émanant du Crest, la nouvelle nef amirale de Rodden, stationnée dans le système de Bouli, est reçu. Le Majori s'y rend immédiatement. Arrivés dans le système, ils finissent par trouver le vaisseau, posé sur la deuxième planète, apparemment intact. À bord, ne se trouve qu'un seul homme, un démon. Il tire sur le Majori, qui doit se poser en catastrophe à plus de 2000 km de là. Kazom et Rodden se comportent brusquement avec infantilisme. Atlan, qui, lui, a gardé ses esprits, les conduit en direction du Crest. Il s'entend pour cela avec les indigènes, qui possèdent une flotte de navires. Il leur faut 6 semaines pour atteindre leur but. Ils retrouvent l'équipage qui est devenu abruti et négligé. Atlan et ses deux compagnons parviennent à entrer dans le vaisseau. Atlan détermine que l'abêtissement des hommes est dû à un radiant de crétinisation installé sur la Lune. Il active l'écran protecteur. Une gazelle quitte le bord et Atlan détruit les installations du radiant. L'équipage du Crest retrouve la raison. Après le retour d'Atlan sur le Crest, la nef amirale, avec son équipage redevenu normal, investit les ruines de la base lunaire. Les prisonniers faits se révèlent être complètement humains. Rodden demande à Reginald Bull de lui amener des mutants pour l'interrogatoire. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 4, des fascicules 170 à 179, des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin McLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike, et est une production 2015 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.